parle d'abord à une de ceux qui vivent. Ensuite, tout de suite, la question est mort. N'oublie-moi un soir. Sur les plages des Caraïbes, Christina parcourt le monde à petits pas. Ses jambes éclaboussées par les vagues, elles ont agité les cumes solennelles d'un océan paisible. Tenant ma main, ma fille est entrée dans l'eau froide pour revenir tremblante dans mes bras, parfois fatiguée de leur jeu. Christina s'est endormie sur mes genoux. Comment l'univers nous a choyés. Moi, son tuteur, elle a appris combien de nations sont mortes, combien survivent. Combien de nations sont mortes, combien survivent. Mains qui construisent des villes et traversent les frontières d'une langue à l'autre. En toute indifférence, pétante, renouvelée, étrangère aux bourses. Elles acceptent les aspérités d'un calendrier et se réfugient dans leur passé, comme une proie dans sa tanière. Et si le silence des étoiles te réconforte, est-il un immigré ou un criminel à cause de ses peurs. Entre les corps qui prolongent un autre jour, oubliant la paix des cyprès. Combien de nations sont mortes, combien survivent. Combien de nations sont mortes, combien survivent. Trop bonheur en dépit de son absence. Voyage autour d'un globe malade, j'ai navigué, erré sur des tumulus de pierre. Détruit les plages qui accueillent leur danse. L'agonie et chaque coucher de soleil. Son corps éthéré entre des tissus blancs nous supplie du calme, de son refuge omniprésent. Et les giroflées poussent, les festivités persistent. Les amants blessés, les guerres ravivent. Et notre avenir avance vers la tombe. Porte sans fête, amants en guerre. Combien de nations sont mortes, combien survivent. La peur de ceux qui te célèbrent. Ça passe comme l'angoisse de la subsistance, de la poudre indigène, du chicamocha. Héros des conquérants et de leurs serviteurs, je plonge mon cou dans des eaux claires et annonce la résurrection de l'orbe. L'impureté et la douceur des religions partent pour se réconcilier avec le silence des étoiles. Sur cette race au bord de la mer morte, le mystère unique de son absence. Combien de nations sont mortes, combien survivent. De ceux qui te célèbrent. Ça passe comme l'angoisse de la subsistance, de la poudre indigène, du chicamocha. Héros des conquérants et de leurs serviteurs, je plonge mon cou dans des eaux claires et annonce la résurrection de l'orbe. L'impureté et la douceur des religions partent pour se réconcilier avec le silence des étoiles. Sur ces traces au bord de la mer morte, le mystère unique de son absence. Combien de nations sont mortes, combien survivent.